travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. 7h du soir sonne à tous les clochers d'Autriche et de sa capitale. La nuit est froide et un fort brouillard tombe sur Vienne, lui donnant subitement un aspect lugubre et sinistre. Le chancelier Kurt von Schuschnigg va dans quelques instants lire un discours qui venant tout de suite. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi tous les sujets d'inquiétude qui peuvent tarauder les Européens par les temps qui courent, le feuilleton interminable de l'élection du président de la République autrichienne s'est installé depuis mai dernier en bonne place. Il s'en est en effet fallu d'un cheveu que, pour la première fois dans l'Union, soit élu au suffrage universel un chef de l'État appartenant à un parti d'extrême droite. Le candidat écologiste l'a finalement emporté avec seulement 30 000 voix d'avance, puis le scrutin a été annulé pour diverses irrégularités et d'autres mécomptes viennent encore de repousser la date de celui qui était prévu, laissant pleinement ouverte l'éventualité d'un succès final du champion populiste, d'abord des faits de justesse. Dans le même temps, en Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban fonde l'autorité de son régime sur le démantèlement de tous les contre-pouvoirs, sur l'affirmation d'une identité nationale définie violemment contre toute immigration et sur la convocation impérieuse d'une histoire mythifiée au service de son emprise sur son pays. On ne peut qu'être sensible au parallélisme de ces deux évolutions et porter à rechercher dans le passé si l'on est à même de lui trouver des causes de longue durée du côté de l'Empire austro-hongrois notamment, qui était fondé jusqu'à son effondrement sur la connivence de ces deux composantes aux dépens des autres nationalités qui s'en trouvaient exclues. Puissance d'une nostalgie, racine d'une frustration, ressort d'une agressivité, nous allons nous en mettre en quête avec Catherine Aurel, directrice de recherche au CNRS et depuis peu secrétaire générale du Comité international des sciences historiques. Catherine Aurel, éminente spécialiste de cette Europe qu'on dit centrale, c'est le titre de l'un des livres importants qu'elle a offert à notre curiosité démocratique et à notre anxiété. Franzl, Katerl, Rosel, Kunz, Geoide, Zöni, Kinderzahn, glaub es in zig Stück. Meinst, dass mir nur alle haben, Jesus, so ein Glück. Wasch die Bank als Campusi, tut sie nun a weh. Heut ist großer Freudentag, ich hab eine Idee. Heute vor mir nicht aufs Land gehen, woanders hin. Heute spitzt die Ohren jetzt, heute bleiben wir in Wien. Der Kolumbus hat gelacht, hat er die Entdeckung gemacht. In Wien gibt's manch winziges Gassel, mit Häuschen verträumt und allein. A Buschen hängt raust und vom Fassel fließt goldgelber, würziger Wein. In Wien gibt's manch winziges Platzl, wo selig der Musimann lauscht und küsst mein gebrummelt sein Schatzl. Da wird Catherine Aurel, bonjour. Bonjour. In Wien gibt's manch winziges Gassel. Je ne suis pas sûr que mon allemand soit extrêmement efficace. C'est une chanson de Kurt Robicek et de Robert Stolz. Robicek pour le texte, Robert Stolz pour la musique. Une chanson de 1916, interprétée ici par Greta Keller en 1935. Je l'ai choisie parce qu'il me semble qu'elle nous conduit tout droit, d'entrée de jeu, vers quelque chose comme l'esquisse d'une vraie nostalgie, non ? C'est tout à fait cela. On a là un très joli rythme de valse, de petite valse viennoise très simple, mais qui transmet une nostalgie absolument fantastique des petites rues de Vienne. Et c'est une nostalgie, je dirais, que l'on peut inscrire déjà au début du 19e siècle, puisque les travaux d'assainissement, d'amélioration de Vienne vont faire régulièrement disparaître des quartiers au long du 19e siècle, et on va construire une nostalgie permanente, en quelque sorte, des anciennes petites rues de Vienne. On trouve déjà ça dans des leaders de Schubert. La valse, d'autre part, est apparue dans les premières années du XXe siècle, et elle a beaucoup choqué à l'époque parce que les hommes et les femmes s'enlaçaient, ce qui ne se pratiquait jamais auparavant. Autre nostalgie, non ? Alors, c'est intéressant d'inscrire la valse aussi dans son époque, et donc la naissance de la valse, c'est l'époque Biedermeier, où on cultive l'intimité, le chez-soi, on fait de la musique de chambre, mais à la maison. Et tout cela parce que la surveillance policière du régime de Metternich étant ce qu'elle est, on ne peut pas faire de rassemblement en public, il est hors de question de se donner des airs révolutionnaires, hein, puisque la grande peur, c'est la France révolutionnaire. Donc on fait les choses chez soi. Et il se développe donc des petits bals, on va dire des bals de quartier, des bals musettes, dans lesquels les précurseurs de la valse, qui sont Lanner surtout et Strauss ensuite, créent ces danses. Et là, effectivement, scandale, les hommes et les femmes non seulement dansent ensemble, ça c'est pas nouveau, mais ils se touchent. La grande époque de la valse, c'est quand même l'après 1848, ça devient vraiment la grande distraction de l'ère constitutionnelle, où là, eh bien, les bals se multiplient, et le bal est encore une des distractions favorites des Viennois à l'époque, enfin, l'hiver. Biedermeier, d'où vient cette expression ? Alors c'est une expression donc qui sert à qualifier l'époque entre 1815 et 1848, donc on appelle ça aussi le Vormärz, hein, l'avant-mars, mars étant mars 48, le début de la Révolution, et c'est un jeu de mots, en fait, c'est un personnage, hein, c'est un petit peu comme Monsieur Prud'homme, si vous voulez, donc le terme Bieder en allemand, c'est le petit bourgeois, mais dans une acception très négative. Hein, quelqu'un qui est Bieder, c'est vraiment, quelqu'un qui est pas drôle et qui a des petites mœurs, qui est un petit peu mesquin. Et on a créé, à partir d'un personnage dans la littérature allemande qui s'appelait Biedermann, on a créé cette époque Biedermeier, donc avec des meubles d'ailleurs, et tout un style qui va avec. On est parti du négatif, on est arrivé par un retournement à un positif, c'est ça ? Oui, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment justement pas seulement les Autrichiens, mais les gens d'Europe centrale sont capables effectivement de partir de quelque chose de négatif pour le transformer soit en quelque chose de positif, de joyeux, soit à s'en moquer également. Le mythe de l'Autriche-Hongrie, à Vienne en particulier, ne date pas de sa disparition, mais qu'il a été forgé en quelque sorte à mesure, est-ce que je me trompe ? Alors le mythe autrichien, effectivement, est une création du 19e siècle. L'Empire lui-même, la dynastie elle-même, a créé son propre panthéon, a créé ses moments de référence, ses moments de gloire. On a créé des monuments expressément relatifs à la dynastie pour construire justement dans la mentalité des peuples variés de l'Empire des Habsbourg un sentiment d'appartenance à l'Autriche avec un grand A, mais l'Autriche dans sa conception impériale, dynastique. Donc le mythe, il préexiste bien entendu à ce que nous avons aujourd'hui. On peut rappeler l'ouvrage de Claudio Magris, le mythe autrichien dans la littérature, c'est exactement ça, c'est de montrer que ça commençait déjà à se cristalliser sous l'Empire des Habsbourg, sous la dynastie. Alors l'Empire austro-hongrois, il faut que vous nous rappeliez, tout le monde le sait, mais il vaut mieux tout de même le rappeler, que nous rappeliez l'histoire de cet ensemble qui est assez récent, puisque la rencontre à égalité entre l'Autriche et la Hongrie, l'empereur d'Autriche étant le roi de Hongrie, remonte à 1867. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On est passé de l'empire romain-germanique à l'empire austro-hongrois. Alors c'est malheureusement beaucoup plus long que ça, mais je vais vous épargner le développement depuis le 14e siècle. Je vous en sais encore un peu de retour en arrière, nous ne détestons pas ce micro. Absolument, absolument. Il est vrai qu'on a tendance à mélanger les appellations et à se perdre un petit peu dans la terminologie. Il est exact que l'on ne peut parler d'Autriche-Hongrie, comme vous l'avez rappelé à l'instant, qu'à partir de 1867. Auparavant, on a en fait plusieurs structures qui se superposent. On a la Maison d'Autriche, donc qui s'installe en Europe centrale avec le premier Rodolphe, donc à la fin du 14e siècle, et qui va, pendant une période très très longue, voir son destin couplé avec celui de l'Empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique. A-E-I-O-U, c'est-à-dire en latin « Austriae est imperare orbi universo ». Il revient à l'Autriche de dominer l'entièreté de la planète. Une autre devise très intéressante qui est celle du roi de Hongrie, Matthias Corvin, qui a dit que l'Autriche ne faisait pas la guerre mais des mariages. Et donc que l'amoncellement de territoires qui sont devenus par la suite l'Empire des Habsbourg, eh bien cet amoncellement de territoires a été essentiellement fait par des unions matrimoniales et non par des guerres de conquête. C'est mieux que des guerres, oui, effectivement, c'est moins semblant. C'est beaucoup mieux, c'est assez juste. D'ailleurs. Et donc, on arrive à la fin du XVIIIe siècle à un empire d'Autriche qui est constitué de ce qu'on appelle les pays héréditaires, donc les pays de la couronne, donc les Kronländer, donc les pays de la couronne, et puis des annexions, des conquêtes qui se font à la faveur de guerres, mais que mènent les autres. Et on voit par exemple que le partage de la Pologne, c'est une opportunité finalement prise par l'Autriche. À la fin du XVIIIe siècle, à la suite des trois partages de la Pologne, eh bien l'Autriche récupère ce qui va devenir la Galicie, donc qui est une des dernières, avec la Bucovine, une des dernières acquisitions de l'Empire. Et puis la toute dernière acquisition, c'est la Bosnie-Herzégovine en 1878 et annexée définitivement en 1908. Là, ce ne sont pas des mariages, ce sont des opportunités géopolitiques. Le grand changement qui va intervenir, c'est 1804. 1804, on est en pleine période napoléonienne, donc Napoléon ravage l'Europe pour... Ravage, la conquiert. Oui, si on veut. Sans quelques effets secondaires. Je suis du côté de l'Europe centrale. Bien sûr. Je suis du côté de l'empereur Franz qui ne sait pas quoi faire pour calmer l'ogre. Et pour calmer l'ogre, il lui donne sa fille. Donc, chacun choisit son camp. Voilà. Et à la suite de cela, il apparaît que la structure du Saint-Empire romain germanique n'est plus du tout adéquate. Elle a fait son temps. Donc on la brise. Il ne reste plus qu'une confédération germanique dans laquelle entre un certain nombre d'États germaniques. Et puis en face de cela, que fait l'Autriche ? L'Autriche s'érige elle-même en empire. Mais ça, c'est 1804. Donc François d'Autriche, François II, devient François Ier, empereur d'Autriche. En fait. Et c'est à partir de là qu'on a d'ailleurs une nomenclature différente des empereurs, selon qu'ils sont empereurs d'Autriche, selon l'ancien calcul ou selon le nouveau calcul. Napoléon étant tombé, survient le traité de Vienne, où c'est Metternich, le chancelier d'Autriche, qui joue le rôle principal. Traité de Vienne, qui est la façon de remettre de l'ordre dans l'Europe après les secousses des guerres napoléoniennes. Donc, on va finalement se retrouver avec des souverains donc, qui sont présents au congrès de Vienne, congrès qui est aussi passé dans l'histoire comme un grand moment de sociabilité, de rencontres paradiplomatiques, dirions-nous. On danse beaucoup, on mange beaucoup. Talleyrand a amené son cuisinier, donc ça c'est quand même très, très important. L'une des choses intéressantes, c'est que la France, étant dans une situation diplomatique un petit peu délicate, n'est-ce pas, va s'en tirer par sa gastronomie. Et les fêtes que va donner Talleyrand en son hôtel particulier avec son cuisinier vont contribuer à redresser un petit peu l'image de la France durant le congrès de Vienne. Revenons à l'ordre européen qui en est issu. Il s'ensuit donc un partage de l'Europe. Finalement, on revient à ce qu'on appelle le concert européen, donc les grandes puissances, dans lequel la France, bien entendu, regagnait sa place après la suppression de tout trouble napoléonien. Toutefois, la France reste vue par le chancelier Metternich et par l'empereur d'Autriche, comme un foyer de potentiel danger. C'est quand même elle qui a inventé la révolution, donc on fait quand même attention à ce qui se passe en France. Et donc, se développe un régime très policier, il n'y a absolument pas de liberté publique, la censure est toute puissante, Dans le même temps, on est dans les années 1830, certains des peuples de l'Empire commencent à redécouvrir leur identité nationale. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du mythe, on commence à écrire dans les langues vernaculaires, donc en tchèque, en hongrois, et on va chercher dans ces pays héréditaires, donc ce sont des pays qui sont dotés de ce qu'on appelle le droit historique, donc qui ont été déjà des royaumes, mais qui ont été absorbés par l'Empire des Habsbourg. Donc on construit une histoire. Et en construisant cette histoire, on se construit une histoire qui est différente de l'histoire de l'Empire d'Autriche. D'où, à partir du moment où ces gens souhaitent se faire entendre de plus en plus, eh bien des tensions qui naissent de façon très, très importante. Dans le même temps, on a un début de l'industrialisation, un début des manufactures. Il y a des gens qui veulent investir, qui veulent être dynamiques, et la structure de l'État les empêche, en quelque sorte. Donc on arrive... Je vais très vite, on arrive en 1847-48 à une situation, il y a la révolte en Pologne en 1846, il y a les révolutions polonaises de 1830, il y a quand même, vous voyez, du côté de ce que l'on va appeler bientôt les nationalités, une agitation importante. Parce qu'on peut dire que le système de Metternich était fondé sur le respect du principe de l'autorité dynastique et d'une Europe constituée d'États perpétuellement insatisfaits, c'est-à-dire sans véritable hégémonie. Et c'est la revanche, en somme, du printemps des peuples qui va bousculer Metternich et l'obliger à partir de Vienne dans une voiture de blanchisserie. Alors, 1848, date essentielle. Date essentielle, le grand péril, donc des mouvements nationaux qui vont ébranler l'Empire d'Autriche à partir de l'Italie, avec l'écho de la Révolution de France à partir de février 1848. Deux foyers importants de départ du mouvement, c'est donc l'Italie d'une part, donc les provinces italiennes, la Lombardie, la Vénétie, qui sont des provinces qui appartiennent à l'Empire des Habsbourg. Et puis, autre moment important, au moment où la Révolution se produit à Paris en février, la Diète hongroise est en train de siéger. Donc, le Parlement est en session. Et voilà la Hongrie. Et voilà la Hongrie, ce qui veut dire qu'il y a à Bratislava, l'actuel Bratislava, le Presbourg de l'époque, les parlementaires hongrois qui sont là et qui reçoivent les échos de ces révolutions, et la Diète s'agite. La Diète s'agite, elle se révolte en quelque sorte, elle veut aller à Budapest pour se retrouver dans le cœur du pays. Au même moment, révolution à Vienne, donc ça c'est le 13 mars, à Budapest c'est le 15 mars, et en même temps on a aussi un mouvement révolutionnaire à Prague. Donc les grandes villes de l'Empire s'agitent les grandes provinces héréditaires, l'Italie, la Bohême, la Hongrie. Sans ces provinces-là, l'Empire des Habsbourg n'existe plus. C'est le duché d'Autriche. Donc, il y a vraiment péril en la demeure, ce qui fait que l'empereur Ferdinand, qui est un débile léger, qui est quelqu'un qui est peu apte à exercer son pouvoir, eh bien, est pris dans cette tourmente, il est obligé d'accorder des lois constitutionnelles, et l'Empire se trouve à deux doigts de la déconfiture. Ce que l'on voit, c'est que l'Empire a quand même été capable, à plusieurs reprises, de se réinventer. Et c'est pourquoi, quand on nous dit très souvent « Ah oui, mais en 1914, l'Empire des Habsbourg, c'était la déconfiture totale, c'est normal que ça se soit écroulé, rien ne marchait, rien n'allait », c'est une vision rétrospective et qui est complètement fausse. Parce qu'on voit qu'en 1848, l'Empire a réussi à se réinventer, après une secousse qui a failli le mettre à bas, hein, avec des séparatismes importants. En 1867, c'est la reconnaissance quand même de la monarchie constitutionnelle qui permet de réinventer l'Empire et d'essayer de créer un modus vivendi, notamment avec la Hongrie qui est perçue comme l'élément le plus perturbateur et finalement sans lequel l'Autriche ne se voit pas vivre. C'est ça aussi qui est intéressant à observer. Et on crée un aigle à deux têtes, donc on crée une monarchie, une double monarchie, avec l'Autriche d'un côté et la Hongrie de l'autre. Le problème que l'on a dès le départ, c'est qu'on a deux États qui sont radicalement différents. On a un état dynastique d'un côté, donc l'Autriche qui reste cet état dynastique, appelons-le fédéral si vous voulez, bien que malgré les tentatives de fédéralisation des années 1860, on n'est pas arrivé à une véritable fédéralisation, et c'est probablement là qu'il faut voir la racine de ce qui va se passer ensuite. Et on a de l'autre côté une Hongrie qui est un état centralisé, dans lequel il n'y a aucune fédéralisation. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais question d'avoir un territoire roumain, un territoire serbe, un territoire slovaque. Non, la Hongrie est un État centralisé, c'est un héritage médiéval, donc ce n'est pas une création de 1867. Donc on a une double monarchie dont les deux têtes ne fonctionnent pas sur la même base juridique. C'est quand même très problématique. Je vais vous entraîner dans une direction assez kitsch, où on peut apprendre un certain nombre de choses sur la nostalgie qui est au centre de notre conversation, la nostalgie de l'Autriche-Hongrie. Je veux dire, vous attendiez peut-être à cela, Catherine Aurel, le film Sissi Impératrice d'Ernst Marischka, qui est sorti en 1956 avec Romy Schneider, en particulier dans le rôle de l'impératrice, l'épouse de François-Joseph, cet empereur qui a régné de 1848 jusqu'en 1916 à sa mort. Très, très, très, très long règne. Ce film est intéressant, non pas pour ce qu'il nous apprend de véridique, me semble-t-il. Vous riez quand vous entendez ça. De véridique, mais pour ce qu'il nous apprend sur la mythification de ce qui fut à ce moment-là. Et on voit l'impératrice Sissi, qui est originaire de Bavière, qui s'adapte donc à la cour extrêmement rigide de Vienne et qui manifeste très vite une dilection particulière pour la Hongrie, avant même qu'elle devienne, à proprement parler, reine de Hongrie. Votre Majesté fait des progrès surprenants. J'ai pensé, pour agrémenter notre leçon, qu'au lieu de faire de la grammaire, nous ferions un peu d'histoire, qu'en dites-vous? Je ne demande pas mieux. Qu'est-ce que vous m'avez encore apporté aujourd'hui? Une surprise, Majesté. Des gravures de mon pays. La magnifique Pusta, qui s'étend à perte de vue, avec ses troupeaux de moutons et ses bœufs sauvages. Comme c'est joli. Et celle-ci, c'est l'ancien château fort des rois de Hongrie. Abandonné, hélas, depuis des siècles. Quand la Hongrie retrouvera-t-elle un roi? Un roi qui saura nous rendre nos anciennes libertés. Vous pouvez être sûr que j'userai de toute mon influence en faveur de votre pays. Je ne sais pas pourquoi, mais cette Hongrie où je ne suis encore jamais allée, je l'aime déjà avant de la connaître. Tout m'attire vers elle, comme une seconde patrie. Elle aussi vous aime, Majesté. Et le peuple hongrois, qui n'a jamais vu votre Majesté, la connaît très bien par mes articles. Car je me suis permis de parler de votre majesté et le peuple hongrois a mis en vous tout son espoir. Et j'ai pu vous assurer, majesté, que pour vous, malgré sa fierté, il est prêt à tous les sacrifices. On est dans la construction, effectivement, du mythe. Alors du mythe de Sissi, déjà, en soi, qui peut être intéressant à étudier et voir comment on a construit cette femme, hein, comment on l'a construite comme mythe et qui est devenue d'ailleurs un produit touristique. Les japonaises se précipitent à Vienne en voulant toutes avoir acheté l'ombrelle de Sissi, les chocolats de Sissi et autres babioles. Mais c'est ce succès qui est passionnant précisément, énorme succès du film, parce qu'il vient nourrir le mythe dont nous parlons. Alors, ceci dit, Elisabeth a été instrumentalisée dès cette époque. Il est évident que quand François-Joseph se rend en Hongrie pour la première fois, après son mariage, en 1857, accompagné par son épouse, il est certain que cette jeune femme qui est belle, qui est souriante, qui vient d'avoir un enfant, qui est dans toute sa plénitude. Romy Schneider est très belle. Ne peut que séduire les Hongrois. Mais faire du compromis uniquement, ne l'expliquer que par la séduction de la jeune impératrice, la jeune reine, les Hongrois, c'est quand même aller très très loin. Toutefois, qu'elle ait servi à montrer un visage nouveau de la monarchie, c'est tout à fait exact. Ensuite, elle s'est complètement échappée à cette instrumentalisation qu'on a voulu faire d'elle et elle a fini par ne plus rien faire du tout, d'ailleurs, en termes de représentation et d'obligation. Mais elle a joué le jeu côté hongrois et d'un autre côté, il faut quand même voir que c'est une très jeune femme. Elle est elle-même séduite par les magnats hongrois qui arrivent avec leurs beaux costumes et il y a un charme réciproque. Donc c'est pas très étonnant que cette instrumentalisation ait fonctionné dans un premier temps. Ensuite, les drames de la famille des Habsbourg, la mort de Rodolphe, la mort de Maximilien et puis la mort tragique d'Elisabeth elle-même ont contribué à créer le mythe. Elle est assassinée par un anarchiste. Par Lucchini, donc un anarchiste italien, à Genève, au mois de septembre 1898. Mais cette histoire telle qu'elle est racontée à des foules enthousiastes, l'histoire d'Elisabeth, de Sissi, masque peut-être la différence en fait de constitution de la Hongrie politique, de la Hongrie et de l'Autriche. Et lorsqu'aujourd'hui on évoque cet empire austro-hongrois comme une sorte de système qui pourrait annoncer une Europe à moitié fédérale, un ensemble de l'Europe équilibrée, il n'est pas inutile de rappeler que la Hongrie est beaucoup plus centralisée que l'Autriche-Hongrie, Catherine Aurel. Bah, il suffit de regarder une carte en couleur de l'Empire des Habsbourg, où sont donc représentés de couleurs différentes. Hein. C'est très intéressant de réfléchir sur la représentation de l'État par la carte, où les couleurs des territoires héréditaires, donc de la monarchie autrichienne, sont bien marquées avec des couleurs différentes. Et en face, à l'est, vous avez un énorme bloc qui est tout d'une seule couleur, avec une continuité territoriale absolument fantastique, qui est la Hongrie. Donc, ça saute aux yeux. On voit très bien la constitution héréditaire, vous l'avez appelée fédérale tout à l'heure, c'est ce que certains auraient voulu d'ailleurs, d'un côté, du côté autrichien, et puis la centralisation hongroise de l'autre. Et là, il y a un déséquilibre. En revanche, en vertu du compromis de 1867, on crée des ministères communs, donc il y a des affaires communes, et c'est là que certains aujourd'hui veulent voir un avant-goût de l'Union européenne en disant « mais regardez, il y avait une armée commune, il y avait une monnaie commune, il y avait des finances communes, certes, mais ça ne suffit pas à faire un État ni fédéré, ni complètement comparable à ce que pourrait être l'Union européenne aujourd'hui. On est dans un registre tout à fait différent. » Cette opposition entre le fonctionnement de la Hongrie à l'époque et de l'Autriche telle que vous la dessinez, il n'est pas inutile de la rappeler aujourd'hui quand on analyse les tentations autoritaires d'Orban d'un côté et de l'Autriche de l'autre. C'est assez différent. Restons un instant sur la Hongrie d'Orban que vous connaissez si bien. Il y a chez lui un effort d'instrumentalisation de l'histoire qui est tout à fait intéressant à observer. Je pense notamment au fait d'avoir un jeu tourbillonnant avec les statues de Budapest qui méritent, je crois, d'être rappelées. C'est vraiment l'histoire utilisée, instrumentalisée. Ah oui, et ça, alors on pourrait faire une émission entière là-dessus, tellement c'est passionnant. Ceci dit, Viktor Orban n'a rien inventé. Il s'inscrit dans une tradition hongroise, donc de mise en scène de l'histoire, par le monument, par la statuaire, par les monuments funéraires aussi. Hein. Ce sont des grands bâtisseurs de mausolées, ce sont des gens qui pratiquent le réenterrement, hein, donc qui ramènent dans le pays des personnes qui ont été exilées, suicidées, assassinées, etc., etc., et pour lesquelles on va bâtir des monuments commémoratifs, soit des mausolées, soit des statues dans Budapest, et Orban s'inscrit là dans une tradition. Ce qu'il a fait récemment, et qui est extrêmement intéressant, c'est que maintenant que la mairie de Budapest est aussi passée côté Fidesz, on a... Fidesz, c'est-à-dire son parti. Son parti. On a décidé de rebâtir, de redessiner la place du Parlement. La place du Parlement qui est la place où se déroulent toutes les manifestations en Hongrie depuis le 19e siècle. Alors, sous couvert de dessins urbains, hein, de dessiner la place, on a commencé par enlever le monument, la statue du comte Károly. Alors, le comte Károly, c'était le premier ministre qui est nommé au mois d'octobre 1918, juste à la fin de l'Empire des Habsbourg, et qui fait la première révolution bourgeoise, donc, et qui devient le premier président de la République de Hongrie en novembre 1918. Trop à gauche pour Orban. Trop à gauche pour Orban. Il était déjà trop à gauche pour Horthy aussi. Enfin bon, on le voit comme la personne qui a précipité le changement bolchevique de 1919 et donc comme un précurseur du communisme. Donc exit Károly. Et puis à sa place, on a remis la statue qu'on a reconstituée du premier ministre Tisza du début du 19e siècle. Statue qui avait été, si je ne me trompe pas, inaugurée en 1936. À une époque du gouvernement autoritaire de Horthy. Absolument. Et puis Kossuth, alors qu'est-ce qui lui arrive, le malheureux Kossuth? Alors ça, c'est vraiment, c'est pour nous historiens, c'est du nanan. Hein. On est très très contents de voir ça, parce que ça nous permet de faire des émissions entières pour parler de ce monument. Kossuth, c'est le grand leader de la révolution de 1848. Un leader jusqu'au boutiste, radical, qui prononce la déchéance du trône des Habsbourg, donc qui s'exile et qui, malgré les amnisties, ne veut jamais revenir en Hongrie parce qu'il est hors de question de cautionner le compromis austro-hongrois dont nous venons de parler, alors que lui, il voulait une union personnelle, mais en fait quasi une indépendance de la Hongrie. C'est un personnage tellement incontournable de l'histoire hongroise qu'aucun régime ne peut l'éliminer. En 1927, puisqu'on ne peut pas éliminer Kossuth, on fait un monument Kossuth à Budapest, sur la place du Parlement, qui délivre un message négatif, pessimiste de la Révolution. C'est-à-dire qu'on montre Kossuth, mais on montre Kossuth perdant, en quelque sorte. On le montre avec son gouvernement, ils ont tous des têtes d'enterrement, les choses vont mal, on voit que la Révolution est vouée à l'échec. Ça ne plaît pas aux communistes en 1945, c'est pas possible. Kossuth est un précurseur du socialisme, donc Kossuth doit être un vainqueur. On enlève le monument de 1927, on met un monument avec Kossuth tout seul sur un socle, le bras tendu en avant, hein, en avant camarade, et sur les côtés du monument, il y avait les personnages habituels des monuments communistes, un ouvrier, une femme, un paysan, un soldat. Et ce monument tombe donc victime de la réfection de la place du Parlement, et on fait quoi ? On remet le monument de 1927. Revenons alors à l'autre côté de notre réflexion sur l'Autriche-Hongrie, sur la mythification peut-être de l'Empire avant 14. C'est Vienne. Vienne qui a été une ville splendide de rayonnement intellectuel, culturel. C'est un lieu que, évidemment, après coup, on a considéré beaucoup de nostalgie, surtout maintenant, surtout après 1919, où tout à coup, la réduction de l'Empire, le fait que l'Autriche est devenue une petite nation, a fait que Vienne a pris la figure d'une énorme tête pour un petit corps. Cette nostalgie est exprimée dans l'ouvrage fameux de Zweig, qui a été si heureux dans la Vienne d'avant 1914 et qui, dans son livre « Le monde d'hier », parle de cela. Il était publié en 1944, un peu après le suicide de Zweig, désespéré. C'est une lecture de Claude Dominique dans l'émission « Le passé singulier » sur France Inter, le 7 novembre 1984. Extrait du monde d'hier de Stefan Zweig. On vivait bien, on menait une vie facile et insouciante dans cette vieille ville de Vienne, et les Allemands du Nord regardaient avec un peu de dédain et aussi de dépit leurs voisins danubiens, qui au lieu de se montrer fermes et appliqués, rigides observateurs de l'ordre, se laissaient vivre en bons jouisseurs, mangeaient bien, prenaient du plaisir aux fêtes et au théâtre, et avec cela faisaient d'excellentes musiques. Au lieu de cette valeur allemande qui a finalement empoisonné et troublé l'existence de tous les autres peuples, au lieu de cette avidité de primer tous les autres, de prendre partout les devants, à Vienne, on aimait à bavarder tranquillement, on se plaisait aux réunions familières, et on accordait à chacun sa part sans envie et dans un esprit de conciliation bienveillante et peut-être un peu lâche. Vivre et laisser vivre, telle était la maxime viennoise par excellence. Et encore aujourd'hui, elle me paraît plus humaine que tous les impératifs catégoriques. Elle s'imposait irrésistiblement à tous les milieux, riches et pauvres, tchèques et allemands, juifs et chrétiens, vivaient en paix en dépit de quelques taquineries occasionnelles, et même les mouvements politiques et sociaux ne déchaînaient pas ces haines atroces que nos contemporains ont maintenant dans le sang, comme un legs empoisonné de la Première Guerre mondiale. Dans la vieille Autriche, on luttait encore avec des procédés chevaleresques. Il est vrai qu'on s'injuriait dans les journaux ou au Parlement, mais après leur tirade cicéronienne, les adversaires se réunissaient amicalement autour d'une table, buvant de la bière ou du café et se tutoyant. Même quand Luger, chef du parti antisémite, fut nommé bourgmestre, rien ne changea dans les relations entre particuliers. Et je dois avouer que personne, ni à l'école, ni à l'université, ni dans le monde des écrivains, ne m'a jamais suscité le moindre embarras ou témoigné du mépris parce que j'étais juif. La haine entre les pays, les peuples, les classes ne s'étalait pas quotidiennement dans tous les journaux. Elle ne divisait pas encore les hommes et les nations. L'odieux instinct grégaire n'avait pas encore la puissance qu'il a acquise depuis dans la vie politique. La liberté d'action dans le privé allait de soi. À un point qui serait à peine concevable aujourd'hui, on ne méprisait pas la tolérance comme un signe de mollesse et de débilité. On la prisait très haut comme une force morale. Cette lecture est extraite de l'émission « Le passé singulier » sur France Inter, le 7 novembre 1984. Cette date n'est pas indifférente, Catherine Aurel. C'est le moment où, en France, on retrouve un vif intérêt pour la Vienne d'avant 1914 et qu'on contribue en partie à cette nostalgie. On peut évoquer la grande exposition qui avait eu tant de succès au Centre Pompidou, à Beaubourg, sur Paris-Vienne. Oui, il y a une redécouverte de l'Europe centrale à partir du début des années 1980. Ça correspond aussi en Europe centrale à des réflexions d'intellectuels sur l'ancien empire des Habsbourg. Rappelons-nous qu'en 1983, Milan Kundera, c'est l'Occident kidnappé, hein, donc c'est cette vision de l'Europe centrale qui a été phagocytée par l'Union soviétique, alors que sa destination, c'est d'aller vers l'Ouest. Hein. D'ailleurs, c'est Milan Kundera qui a l'expression qui vous a servi pour titrer votre livre, cette Europe qu'on appelle centrale. Alors lui, il a dit cette Europe que j'appelle centrale. Ah, vous avez dit plus modestement cette Europe qu'on dit centrale. Voilà, je n'ai pas voulu m'approprier la phrase de Kundera. Mais c'est 1983. Et à partir de ces années, on trouve aussi chez les éditeurs français des traductions des nouvelles traductions. C'est le cas de Zweig, justement, pour Le Monde d'hier. On voit réapparaître des ouvrages de Joseph Roth. Il y a vraiment une redécouverte de cette littérature autrichienne de l'entre-deux-guerres, mais aussi d'avant 1914. Joseph Roth a joué un rôle très important pour dessiner dans le rêve rétrospectif ce qu'aurait été ou ce qu'a été l'Autriche d'avant 1914. Ses livres sont beaucoup plus lucides que ceux de Zweig. Zweig est vraiment dans la conscience malheureuse, dans le drame, évidemment, ça se comprend tout à partir de 1933, a fortiori 1938. Parce que juif, il est obligé de partir, oui. Et il finit par se donner la mort. Roth, d'une certaine manière, se donne aussi la mort. Il sombre dans un alcoolisme dont il n'arrive pas à se sortir, et c'est aussi un naufrage révélateur de l'impossibilité de vivre dans cette nouvelle Europe qui s'est fascisée. Mais ces ouvrages que sont La crypte des Capucins et La marche de Radetzky sont beaucoup plus grinçants, beaucoup plus lucides sur la réalité de l'Empire des Habsbourg que ce que l'on vient d'entendre de Zweig, qui est vraiment dans l'idéalisation. Zweig, toute sa jeunesse, il la passe à Vienne, dans un milieu très protégé, très privilégié. Il ne connaît pas les territoires extérieurs à Vienne. Il n'est pas allé en Galicie. Il parle d'un point de vue qui est le point de vue d'un bourgeois juif assimilé qui a du mal à voir, effectivement, ce qui peut se passer de douloureux ou de difficile aux marges de l'Empire. Quant à la spécificité de la nostalgie autrichienne d'après Trianon, d'après 1919, un témoignage, celui d'une Viennoise qui parle de ce qu'a été cette capitale qu'elle avait tant aimée avant la guerre et en 1920 ou 25, Vienne au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est un extrait des Nuits magnétiques de Jean Dève, le 25 décembre 1978. Tout de suite après la guerre, c'était le désastre à Vienne. À tel titre que j'achetais mon trousseau à Vienne, et là, l'argent dégringolait de telle façon d'un jour à l'autre que ce qui était trop cher hier, je pouvais l'acheter demain parce que j'avais l'argent français. C'était l'inflation comme personne ne l'a connue, sauf en Autriche et en Allemagne. La couronne dégringolait, on finissait par avoir des millions sur soi, le ticket de tramway coûtait, mettons, 10 000 francs, 10 000 couronnes, n'est-ce pas? C'était une atroce époque où j'ai vu ce qu'était la devise riche, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, les Français même, qui se précipitaient à Vienne et qui trouvaient chez les antiquaires des meubles, de l'argenterie que les Autrichiens avaient vendu à bas prix et que eux pouvaient acheter pour leur devise pour rien. Et évidemment, du temps de l'empereur, c'était autre chose. Du temps de l'empereur, ça n'existait pas. Les gens ne vendaient rien, du moins les gens de notre classe. Après est venue la dévaluation. Je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que c'était un shilling pour 10 000 couronnes. Tout le monde était ruiné. Il restait au fond de l'Autrichien un tel besoin de s'amuser, de sortir, que malgré tout, il y avait des bals, il y avait des réceptions. Et quand vous sortiez le soir, vous saviez que vous n'auriez plus le dernier tramway. Alors vous emportiez des bottines. On portait des bottines à lacets à l'époque. Es muss besser werden. Il faut que ça s'arrange. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il faut que ça s'arrange. Il y a un optimisme qui est peut-être lié au souvenir de jeunesse de cette dame en 78. Oui, c'est peut-être un petit peu embelli. L'écho qui me vient immédiatement quand j'entends cette description de Vienne en 1919 ou 20, c'est la Vienne de 1945, où là, on est dans quelque chose de bien pire que ce que se décrit cette dame. Bon, il y a certes le retour des prisonniers, des malades, des blessés de la guerre, de pas mal de fonctionnaires aussi qui ne trouvent plus d'emploi, puisque les structures de l'Empire s'étant effondrées, il faut rapatrier des gens de Galicie, de Trieste. Bon. 45, mais, c'est beaucoup plus grave. C'est mais la ville n'est pas détruite, voilà. L'atmosphère du troisième homme de Carol Reed avec Orson Welles. Absolument. Là, la ville n'est pas détruite. Il y a de la misère, il y a cette inflation calamiteuse, il y a eu une révolution, une tentative de révolution bolchevique. On n'est pas dans les gravats, on n'est pas dans le. On n'est pas du tout dans la même ambiance et on n'a pas d'armée d'occupation. Alors qu'en 1945, on a quand même l'occupation quadripartite avec les violences que ça suppose, notamment du côté des soviétiques. Ce qui est intéressant peut-être de regarder, c'est comment justement on est arrivé en 1945. C'est-à-dire pourquoi, en partant de cette situation de 1919, on arrive au ravage de 1945. Donc dans l'entre-deux-guerres, l'Autriche, la Hongrie aussi d'ailleurs, se redresse économiquement. Avec des régimes très autoritaires déjà, l'un et l'autre. D'un côté, Dollfuss, Schuschnigg. Alors, et de Dollfuss, c'est 1934. Il se passe quand même des choses entre 1919 et 1934. Alors que Horthy, c'est 19 tout de suite. Donc, le régime, finalement, se durcit, certes. C'est un régime autoritaire, dont les traits démocratiques sont très atténués. Mais c'est un régime qui est stable. Donc, qui s'installe en 1919 et qui finit en 1944. L'Autriche, en contrepartie, est beaucoup moins stable. Le régime ne va se stabiliser qu'au milieu des années 20. Avec un gouvernement qui va de plus en plus tourner vers ce qu'on va appeler l'État corporatiste et qui va justement mettre en valeur l'identité autrichienne. Il faut trouver une identité. Il n'y a plus d'empire, donc il n'y a plus d'empereur. L'identité auparavant, c'était en gros l'identité dynastique, focalisée sur la personne de l'empereur et sur les héritages historiques dont nous avons parlé. En 1919, il faut construire quelque chose de nouveau. On veut construire une Autriche allemande, mais ça n'est pas possible puisque le traité de Saint-Germain interdit à l'Autriche de faire Anschluss avec l'Allemagne, alors que c'est ce que beaucoup de partis politiques, y compris les sociaux-démocrates, voulaient. Donc, il faut inventer autre chose. Donc, on invente une identité autrichienne qui est basée sur le passé dont on a parlé. Donc, on va mettre en valeur Mozart, on va mettre en valeur l'héritage culturel autrichien. Le festival de Salzbourg va en partie servir à ça. Déjà dans l'entre-deux-guerres. Et puis, on va axer, et c'est là qu'naît un des problèmes qu'on va trouver par la suite, on va axer sur le catholicisme. On va trouver à la tête du gouvernement des gens qui vont mettre en valeur ce qu'on a appelé le mouvement chrétien social ou chrétien socialiste, qui était celui du maire de Vienne, Rueger, dont parlait cette dame tout à l'heure. Avec un antisémitisme qui est un antisémitisme latent dans la population autrichienne. Alors quel est aujourd'hui le rôle de ce catholicisme dans l'évolution préoccupante de l'Autriche contemporaine? Pendant longtemps, les socialistes et les chrétiens démocrates ont alterné au pouvoir. Ils ont donné l'impression qu'ils se tenaient par la barbichette et qu'il y avait en fait entre eux une sorte de connivence, d'où d'ailleurs un des succès de l'extrême droite. Essayons autre chose. Quel est le rôle de l'Église catholique par rapport à cette évolution de l'extrême droite à partir de cette longue durée? Évidemment, le parti d'extrême droite, les partis d'extrême droite, parce qu'il y a eu le premier parti de Jörg Haider qui s'est scindé. Disons l'extrême droite, la tendance de l'extrême droite en Autriche n'axe pas son propos sur le catholicisme, parce que le catholicisme est en principe défendu par le parti de droite classique. Donc, on a eu dans les années Haider, par exemple, un discours qui était beaucoup plus un discours de rapprochement avec le protestantisme allemand, par exemple, en montrant justement l'efficacité des théories mercantilistes, de tout ce qui fait la racine du protestantisme allemand, au détriment du baroque autrichien, catholique, finalement peu efficace. Haider, c'était le premier grand leader d'extrême droite en Autriche, dans les années 80 déjà, années 80, et qui s'est tué finalement sur la route, accidentellement. Alors les années 30, c'est celle de régime assez dur, enfin assez autoritaire, avec Dollfuss, puis Schuschnigg, c'est lui qui va être obligé de renoncer à l'indépendance de l'Autriche au moment de l'Anschluss, c'est-à-dire l'unification entre le pays où était né Hitler, il n'y a pas que Mozart, il y a aussi Hitler, l'Autriche, et l'Allemagne. Écoutez cette correspondance de Vienne qui remonte au 24 février 1938, c'est le moment de l'Anschluss. Sept heures du soir sonnent à tous les clochers d'Autriche et de sa capitale. La nuit est froide et un fort brouillard tombe sur Vienne, lui donnant subitement un aspect lugubre et sinistre. Dans la rue, seulement quelques rares passants. Que signifie ce calme soudain? Dans ces rues toujours si animées, élégante et joyeuse à cette heure-là. Le chancelier, Kurt von Schuschnigg, va dans quelques instants lire un discours qui venant tout de suite après celui prononcé il y a quelques jours à peine par Hitler, prend une importance et une gravité qui n'échappe à personne. Toute l'Autriche sera pendant quelques heures comme suspendue aux lèvres de son chancelier dernier et ardent défenseur de la liberté et de son indépendance. C'est dans la grande salle des séances du Parlement que le discours est prononcé. Il n'y a plus une place libre. Monsieur von Papen est là. Il a l'air assez souriant et comme étranger à ce qui va se passer. Monsieur Schuschnigg s'installe enfin à la tribune des orateurs. Il se dégage de sa personne une impression de force et de tranquillité extraordinaire. Sa voix, qui est très ferme, n'a cependant pas la brutalité et le son si désagréablement rauque de celui de Hitler. Son discours est un véritable acte de foi. Il proclame avec force la volonté d'indépendance autrichienne. Il crie la volonté de vivre de l'Autriche en tant qu'État chrétien, social et allemand. Il reconnaît qu'il a fait le maximum des concessions à l'Allemagne et qu'il n'attendait maintenant que le respect de la parole donnée. Comment rester insensible à une telle noblesse et à une telle volonté de lutter jusqu'au bout? Beaucoup ont les larmes aux yeux. Es galt Entschlüsse zu fassen, zu handeln, das Vertrauen aller, die zu positivem Einsatz bereit sind, zu mobilisieren, an die Gefolgschaft verstandesmäßiger Erwägung und Einsicht. C'est sous une ovation formidable et par le chant du magnifique hymne national autrichien de Joseph Haydn que M. Schuschnigg termine son discours qui dura plus de deux heures. Il semble qu'elle a maintenant partie gagnée. Chacun est gagné à sa course. Partie gagnée, c'est une illusion. Il ne faudra que quelques jours pour qu'on s'aperçoive que l'effort de Schuschnigg de résister à l'Anschluss s'est évanoui. Catherine oui, la malheureuse initiative de ce référendum où les Autrichiens auraient dû, s'ils avaient pu, voter contre l'Anschluss, eh bien, effectivement, ne s'est pas matérialisé, puisque ce qui s'est matérialisé, au contraire, c'est l'Anschluss et c'est l'arrivée de Hitler à Vienne le 13 mars. C'est le moment où on entend un certain nombre de commentateurs en Europe occidentale, en Angleterre et en France, dire que si on avait eu la sagesse de ne pas disloquer l'empire d'Austro-Hongrois, la possibilité n'aurait pas été laissée à Hitler de faire cet Anschluss. Ce qui amène à une question dont on ne peut pas faire l'économie, c'est-à-dire, est-ce qu'il aurait été loisible aux négociateurs du traité de Versailles et des traités adjacents, Saint-Germain, Trianon, de préserver l'Autriche-Hongrie? C'est un grand débat quand on essaye de faire une conférence sur Clemenceau ou sur Lloyd George à Vienne et plus encore à Budapest. On est sûr qu'on ne sera pas bien accueillis. D'ailleurs, on ne s'y risque même pas, les négociateurs de 1919. Alors, je vous réponds non. Je vous réponds non sur le faisable. Alors, le souhaitable, évidemment, on peut, si on écoutait le feu Otto de Habsbourg, on pourrait évidemment se convaincre que c'eût été souhaitable. Otto de Habsbourg, c'est le fils du dernier empereur Charles Ier, qui est monté sur le trône après la mort de François-Joseph en 1916. Mais faisable, certainement pas, puisque au moment où la conférence de la paix commence à se réunir, l'Empire est déjà dissous. L'Empire est déjà dissous, l'Empereur est parti, il n'a pas abdiqué de toutes ses couronnes, mais ça c'est des arguties juridiques, mais l'Empire est défunt. C'est-à-dire que les différentes nationalités, donc dans le courant de la Première Guerre mondiale, se sont constituées en conseils nationaux, et au fur et à mesure de l'évolution de ces conseils nationaux, ce qu'ils ont voulu, ça n'est plus tellement cette fédéralisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque territoire puisse acquérir une autonomie respectant le droit des gens, le droit des nationalités, mais c'est bel et bien la dissolution. On voit par conséquent naître la Tchécoslovaquie, on voit la Pologne renaître après les divisions qu'il avait déchirées à la fin du XVIIIe siècle, et on voit la Yougoslavie également qui se constitue. Absolument. Ce qu'il faut dire quand même, c'est ne pas présenter cette évolution comme étant une fatalité dès 1914. C'est vraiment dans les derniers jours de l'Empire, donc dans les derniers jours d'octobre 1918, que la dissolution apparaît comme étant inéluctable. Mais c'est avant que le président Wilson avait parlé de l'autodétermination des peuples, c'est avant que la France s'était faite la championne de la fidélité au printemps de 1848, au printemps des peuples. Certes, mais ça c'était des visions des alliés et des gouvernements en exil, ou des groupes en exil. Mais sur place, l'Empire tient. Le dernier soldat tient sur le front austro-italien. Il faut aller dire à des batteries slovènes, c'est fini, pour qu'ils arrêtent de tirer. Donc, présenter, comme ça a souvent été le cas, l'Empire comme s'écroulant parce que chacun a commencé à tirer à hue et à dia, c'est partiellement faux, puisque l'Empire tient. Ce qui s'écroule, en revanche, c'est l'économie. Donc il y a des pénuries, il y a une insatisfaction grandissante, qui est souvent une insatisfaction sociale, pas forcément une insatisfaction nationale. Mais en face de cela, bien entendu, on a les facteurs extérieurs qui joue dans la détermination de ces groupes en exil et qui sont relayés par des groupes nationaux à l'intérieur de l'Empire et qui vont amener la dissolution de la monarchie. Donc, ça s'écroule comme un château de cartes en quelques semaines. Donc, il vous apparaît historiquement injuste d'attribuer aux négociateurs, aux vainqueurs, la responsabilité de la fin de l'Empire austro-hongrois. Est-ce que cette disparition continue d'être aujourd'hui en Autriche et en Hongrie, est-ce que vous le sentez comme cela, un élément de la frustration qui peut porter ce nationalisme actuel? La question des réfugiés n'est pas le seul ressort qui explique cette évolution vers la droite et l'extrême droite. C'est Hofmannsthal, un autre très grand Autrichien, qui disait « la politique, c'est de la magie. Le peuple obéira à celui qui est capable de le saisir par la parole. » Et la parole, c'est aussi une parole sur l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Mais en Autriche, dès l'apparition du mouvement de Haider, par exemple, donc on est dans les années 80, donc on est bien avant la chute de l'Union soviétique. L'un des fers de lance de sa politique, c'est quand même une politique anti-immigration. C'est, dès le départ, c'est ça. Ça correspond aussi au Front National en France de l'époque, politique anti-immigrée, anti-turque, etc. En Hongrie, on n'est pas du tout dans ce même cas de figure, puisque le Jobbik, ou tout du moins les partis d'extrême droite, parce qu'il y a un parti d'extrême droite qui a préexisté au Jobbik, qui s'est fait jour tout de suite après la transition démocratique des années 80, le parti pour la vie hongroise, le parti de Csurka, était un parti d'extrême droite qui, lui, effectivement, tablait sur le retour à l'histoire, de revenir à une Hongrie positive, une Hongrie qui n'est plus la victime de personne. Qui voulait qu'il y ait une statue de Horthy sur la place principale de Budapest. Je parle de ce parti d'extrême droite, le Jobbik. Ah oui, oui, ils veulent beaucoup de choses, mais ils sont aussi très très incohérents dans leur discours. Donc on ne peut pas comparer complètement l'extrême droite hongroise et l'extrême droite autrichienne. C'est pas du tout la même histoire. Ce ne sont pas les mêmes préoccupations. La crise des migrants qui nourrit l'extrême droite hongroise, c'est très récent, bien entendu. Le rapport que les partis d'extrême droite actuels en Autriche et en Hongrie ont à l'histoire et par derrière à des mythes fondateurs ou des mythes historiques est complètement différente et radicalement différente. Chez les Hongrois, ce qui est mythifié, c'est la Hongrie royale, c'est la Hongrie ancestrale, c'est la Hongrie millénaire. La longue durée. C'est la longue durée. On est chez Árpád au tournant du 9e siècle, donc on est très très loin. Et c'est justement pour montrer que cette Hongrie millénaire était une Hongrie maximale, donc c'est la Hongrie d'avant Trianon, va-t-on dire, et c'est là-dessus que se base l'extrême droite hongroise pour construire ces idées de grandeur. En Autriche, on n'est pas du tout sur cette conception-là. On est dans une conception, je dirais, classique de l'extrême droite fasciste, c'est-à-dire faisons table rase du passé, construisons l'homme nouveau et rompons avec tout cela. On est sur un registre complètement différent. D'ailleurs, l'Autriche n'appartient pas au groupe de Visegrad, Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Pologne. Et d'ailleurs, le nom de Visegrad remonte très très loin en arrière. Alors, Visegrád, oui, c'est cette cité royale sur le Danube, cadre des Anjou, cadre vraiment du XIVe siècle. C'est un groupe qui est né en 1991 pour justement, à l'époque, reconstituer une certaine identité régionale de ces pays avant leur éventuelle entrée dans l'Union européenne. Donc, effectivement, l'Autriche n'avait rien à y faire puisque l'Autriche était à l'ouest. C'était quatre démocraties populaires. Voilà. Il reste une dernière période sur laquelle on ne peut pas faire l'économie. Catherine Aurel, avant de clore notre conversation sur la nostalgie de l'Autriche-Hongrie, et il y a un autre moment essentiel et qui fait différer les deux pays, c'est-à-dire que l'Autriche échappe à l'emprise, finalement, à l'emprise soviétique, alors que la Hongrie en souffre de la façon que nous savons, avec cette révolte de 1956 qui donne à un moment donné aux Hongrois l'espoir de secouer le joug qui les accable. Pour restituer un instant l'ambiance de 1956, il faudra attendre jusqu'au début des années 90 pour que la Hongrie se trouve libérée de la domination de Moscou. Un extrait d'un documentaire de ce moment-là qui s'appelle « Une nation dans la tourmente » avec, vous allez l'entendre, la voix de quelqu'un que j'imagine vous allez reconnaître aussitôt. Le 23 octobre 1956, une démonstration surprenante, spontanée, s'éleva pour la liberté. La jeunesse ouvrière, des étudiants, des employés, défilèrent en bon ordre dans Budapest. Ils présentaient 14 revendications qui, si le gouvernement les avait acceptées, auraient rendu leur vie supportable. En premier lieu, ils demandaient le retrait des forces soviétiques, la suppression de la police secrète, et une égalité économique avec l'Union soviétique. Ce fut une démonstration pacifique jusqu'au moment où la police, puis l'armée rouge, firent feu sur les jeunes Hongrois. Désespéré, le peuple riposta, et le monde sait comment ces combattants hongrois de la liberté se défendirent avec des armes de fortune contre les troupes soviétiques. La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant. Écrivains, savants du monde entier, les écrivains hongrois s'adressent à vous, à l'heure suprême, au nom d'une nation massacrée. Nous nous adressons à vous, Camus, Malraux, Mauriac, Roussel, Vaspers, Eliot, Koestler, Lackness, Hesse, etc. et tant d'autres combattants de l'esprit. L'heure a sonné où les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. Faites quelque chose. Agissez. Secouez l'inertie horrible de l'Occident. Agissez, agissez, agissez. Ce message est bouleversant. Agir, hélas. Que faire? Les derniers événements, les plus récents, nous montrent que dans le monde actuel, la force prime tout. 1956, la force prime tout. Mauriac résume la situation. Effectivement, des démocraties occidentales en face de l'écrasement dans le sang de la révolte des Hongrois. Oui, une révolte, une révolution. Une révolution, c'est plus qu'une révolte, puisqu'il s'agit de changer d'ordre. Donc on est vraiment dans une révolution. Une révolution qui va aussi contribuer au mythe de la victime chez les Hongrois, hein, qui va nourrir encore ce sentiment d'être sans cesse une victime des grandes puissances, une victime de l'arbitraire, et qui va continuer à les obséder jusqu'en 1989, donc jusqu'au changement de régime, et qui est de nos jours encore instrumentalisé, puisque nous avons dans quelques semaines les commémorations du 60e anniversaire de la Révolution, et que le gouvernement va certainement utiliser pour montrer à quel point le communisme est une chose absolument terrible, et il va encore imposer un discours sur ces commémorations. Décidément, Orban se sert beaucoup de l'histoire, imaginaire à certains égards, mais en l'occurrence certainement pas imaginaire, pour affirmer son pouvoir autoritaire. Ah oui, oui, oui, c'est un chantage permanent à l'appropriation de l'histoire, même s'il s'en défend, évidemment. Hein, il dit que chacun est libre de se faire son idée des moments historiques, mais le gouvernement a un discours sur l'histoire. Mais ce n'est pas le premier gouvernement hongrois qui a un discours sur l'histoire. Catherine Aurel, je vous remercie beaucoup. Nous avons construit cette émission sur un entrelac, bien sûr, entre la réalité des précédents et la manière dont on les évoque, soit inconsciemment, soit consciemment, du côté des dirigeants, au service des ambitions d'aujourd'hui. On peut dire ça ? Oui, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas... Alors, c'est valable pour bien des nations, bien entendu, mais on peut difficilement appréhender l'Europe centrale aujourd'hui sans cesse faire un rappel vers l'histoire, puisque, comme nous venons de le voir, les dirigeants, les populations de ces pays utilisent, à bien ou à mauvais escient, hein, ça ce n'est pas à nous de le juger, mais utilisent sans cesse l'histoire. Donc il faut pouvoir décrypter ces référents qui sont sans cesse utilisés. Je signale deux de vos ouvrages importants l'un et l'autre. Récemment, vous avez donné une biographie de l'amiral Horthy, régent de Hongrie, dont nous avons vu, chemin faisant, la place qu'il a eue dans l'histoire de l'entre-deux-guerres en particulier. Ce livre est paru chez Perrin en 2014, et puis antérieurement chez Beauchesne en 2009, vous avez donné le livre que j'ai évoqué, « Cette Europe qu'on dit centrale, des Habsbourg à l'intégration européenne ». Il va falloir la remettre à jour, non ? Certainement, certainement. Et puis donc apparaître chez Nouveau Monde dans 15 jours un collectif sur la question de la défaite, le mythe de la défaite en Europe. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Écoutez, réécoutez, téléchargez cette émission. Éventuellement, vous reportez aussi aux émissions antérieures. Nous avons beaucoup parlé de Stefan Zweig aujourd'hui. Nous lui avions, naguère, assez récemment, consacré une émission complète. Samedi prochain, nous transporterons de l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité nous l'impose aussi, nous parlerons des élections américaines sous un angle spécifique, le financement de ces élections. Élections américaines, tant et tant d'argent, point d'exclamation, et je recevrai pour en parler Pap Ndiaye. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Jacques Hubert à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Sandra Escamez pour les archives INA, et aussi les services de documentation qui nous apportent toujours une floraison d'articles très précieux pour préparer les émissions. Et dans quelques instants, je passerai le témoin à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.